le nord, le sud, quelle longitude, verrou, ferme la porte. Reste tranquille, tous des pots de colle, faut que tu files, t'as pas le bol. Verrou, ne l'ouvre pas. Lequel choisir, quelle direction, avant de partir, quel horizon. Alors je te dis, pense à te barrer, ce sera fini. Vers où ?